Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau du Mur des Lamentations. Le sujet d'aujourd'hui, discrimination vaccinale du personnel soignant. Aux hôpitaux universitaires genevois, nous en sommes déjà arrivés au point où le personnel doit s'identifier comme étant vacciné contre la grippe ou non. Ainsi, les personnes vaccinées portent un badge avec l'inscription « Je suis vacciné pour vous protéger », alors que les personnes non vaccinées ont l'obligation de porter un masque. Sur leur badge, il est donc écrit « Je porte un masque pour vous protéger ». À qui profite cette mascarade? Sûrement pas les patients. Car la collaboration Cochrane, qui est un réseau international de scientifiques et de médecins indépendants pour un travail de surveillance systématique, a déjà réalisé en 2010 une vérification détaillée sur l'efficacité de tels vaccins contre la grippe. Ce faisant, il a été clairement reconnu que les vaccins contre la grippe ne protègent pas de la grippe et ne peuvent même pas empêcher la contamination par le virus d'une personne à l'autre. C'est pourquoi l'immatriculation obligatoire apparaît comme une discrimination masquée du personnel soignant et un spectacle orchestré pour bercer les patients dans une fausse sécurité et ainsi augmenter le taux de vaccination. Peu importe qui se cache derrière cette mascarade, ils ne pourront plus longtemps rester cachés. Cette émission vous aura certainement ouvert les yeux et interrogé. Aussi, nous serons heureux de vous compter parmi nos fidèles téléspectateurs lors d'une prochaine émission. Je vous dis à bientôt.